Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous psycho pour un nouveau sujet en compagnie du docteur Jean de Rideau. Jean, bonjour. Bonjour Émilie. Donc pour ceux qui ne vous connaissent pas déjà, vous êtes docteur en psychologie mais également chroniqueur dans les médias, chroniqueur psy et notamment sur France Bleu, c'est oui, ça notamment, exactement. Parce que vous avez plusieurs émissions pour oui. lesquelles vous travaillez, c'est ouais. bien ça ouais. Et bien sûr, donc, nous allons parler aujourd'hui d'un nouveau sujet. Vous allez nous aider à comprendre les raisons qui font que certaines personnes ne parviennent pas à pleurer. Oui, ça arrive. Et aussi, je vous questionnerai, bien sûr, sur de potentielles solutions, puisque vous êtes l'homme de toutes les solutions, comme nous aimons le rappeler. Donc, qu'on le fasse en cachette ou en public, nous sommes tous ou presque amenés à pleurer pour nous libérer de nos émotions ou frustrations que nous avons du mal à gérer. Alors, je dis presque certaines personnes, parce que certaines n'y arrivent pas. Jean, pouvez-vous nous expliquer pourquoi certains sont incapables de pleurer? Alors certains sont incapables de pleurer, peut-être pourrait-on dire que certains ne sont plus capables de pleurer, parce que nous avons ça tous... Ça intervient bah, en... Ben oui, parce que oui, nous on avons est en tous pleurant, pleuré, un petit bébé ça pleure, ouais. voilà, un bébé, quand il arrive au monde, il faut qu'il pleure, et c'est un fait, pas besoin d'être un spécialiste de puériculture pour constater que les enfants pleurent pour manger, quand ils se font mal, quand ils ont du chagrin, quand ils ont faim, exactement. Okay. Et donc, c'est un fait que certaines personnes, bien sûr, désapprennent à pleurer. Pourquoi ? Ben, la première cause, c'est une espèce d'injonction à ne pas pleurer. Parce que dans l'éducation, eh bien, les parents aident précisément leurs enfants à ne plus pleurer en toutes circonstances et à, vous l'avez très bien rappelé, Émilie, à transformer ses pleurs en, en demande. Par exemple, un adulte qui pleurerait parce qu'il a faim, ce serait étonnant, parce que l'adulte, il a appris à dire « j'ai très faim, j'ai besoin de manger quelque chose ». Exactement. Donc, si vous voulez, il y a quand même une injonction en termes de normes sociales à ne pas pleurer. Et c'est un fait que certaines personnes intègrent tellement ces injonctions, en font tellement une affaire personnelle, parce que c'est un fait, cette période de la sortie de l'enfance, l'entrée de l'adolescence, où ça peut être extrêmement dévalorisé de pleurer entre copains, copines, des personnes qui vont dire « mais c'est les bébés qui pleurent, c'est nul de pleurer ». Bon, et donc, il y a des personnes qui vont tellement intégrer, finalement, s'approprier cette injonction à surtout ne pas pleurer, et bien que c'est comme si finalement, elles perdaient le chemin, elles perdent les clés, et même si elles aimeraient parfois s'abandonner à du chagrin visible, eh bien, elles n'y arrivent plus. Elles n'arrivent plus finalement à se connecter à cette espèce de lâcher prise. C'est une forme de lâcher prise que de pleurer. Eh bien, elles n'y arrivent plus. Elles ont perdu le chemin. Ok. C'est donc contre nature. En quoi cela peut-il être problématique ? Alors, ça peut être problématique d'abord d'un point de vue relation sociale. Nous sommes des mammifères sociaux et l'expression des émotions, c'est la base en termes de développement de l'espèce, c'est la base de la communication. Les émotions se voient sur le visage, les comédiens le savent bien, parce qu'en fait, nos ancêtres Homo sapiens, ils communiquaient par le biais de ces expressions faciales, le dégoût, pour que les membres de la tribu comprennent que c'est toxique, qu'il ne faut pas le manger, la surprise, la peur pour comprendre qu'il y a un danger. Donc c'est vraiment la base de la communication et c'est un fait que quand quelqu'un pleure, eh bien ça peut être communicatif, elle exprime du chagrin et ça peut générer d'aller la consoler, ça peut générer de pleurer avec elle, de rentrer dans une forme de communion émotionnelle. Et c'est vrai que le fait de ne pas pleurer, ça peut briser cette espèce de connexion aux autres. Et ça, c'est très dommageable. Et puis, c'est embêtant de ne pas réussir à pleurer parce que, précisément, là aussi, d'un point de vue darwinien, je dirais, les émotions sont là pour s'exprimer. Il faut que ça sorte. La colère, c'est important d'apprendre à crier, alors pas sur tout le monde, mais même pas tout seul, s'énerver comme ça. La peur, il faut que ça sorte. D'ailleurs, certaines personnes vont pleurer parce qu'elles ont eu très peur, par exemple. La surprise, la joie, on voit ça dans les stades, c'est une émotion, il faut que ça sorte. Et typiquement, le chagrin, la tristesse, eh bien, le fait de pleurer, on pourrait presque dire que c'est la voie royale, finalement, pour que ça s'exprime. Des parents le disent à leurs enfants, « Vas-y, pleure, ça fait du bien de pleurer un bon coup, voilà, et après tu te sentiras mieux. » Et il y a des personnes qui n'ont pas accès à cette libération émotionnelle, et donc elles vont finalement garder le chagrin pour elles, l'intérioriser, et ça, on le sait bien intuitivement, c'est confirmé par de nombreuses études, d'un point de vue de santé mentale, c'est pas bon de garder des émotions, de ne pas les exprimer, c'est pas satisfaisant. Des solutions, Jean, à présent, comment libérer les émotions pour pleurer à nouveau? Comment libérer les émotions? Comme toujours, c'est une question d'entraînement. Entraînez-vous à pleurer, d'abord en situation rassurante pour vous. Ça peut être seul chez vous, ça peut être avec des personnes de confiance, certains de vos amis, certaines personnes de votre famille, des personnes très très proches. Et entraînez-vous avec un support. Ça peut être de la musique pour les plus mélomanes, ça peut être un film, ça peut être un livre. Et quitte à se forcer un peu pour vraiment réussir à retrouver cette connexion. Et puis, on connaît le yoga du rire, où il y a des exercices respiratoires, physiques, qui finissent par déclencher un rire sincère. De la même façon, vous pouvez aussi vous entraîner à singer le chagrin, à adopter ces espèces de grimaces du chagrin d'une personne qui pleure. Et à force, vous allez retrouver le chemin, vous allez retrouver cette capacité à pleurer. Merci Jean. Et donc, si vous avez du mal à vous connecter à vos émotions, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel qui saura vous aider à en identifier la cause et bien sûr vous aidera à cette reconnexion. Jean, vous faites ça par exemple en consultation, on peut tout à fait vous consulter, que ce soit en face à face, par téléphone ou encore en visio, donc où que vous trouviez. N'hésitez pas à rejoindre Jean. Toutes les informations pour le consulter seront dans le descriptif de cette vidéo. Merci Jean pour ce nouveau sujet. Merci Émilie. Et toutes ces solutions comme toujours. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.